إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on est arrivé, ولله الحمد, à la conclusion du livre intitulé القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on avait dit que cette conclusion du livre, que l'on appelle en arabe Al-Khatima, qui est donc la conclusion, elle est importante, car le Cheikh va développer des points qui sont très intéressants à connaître. Et parmi ces points, comme on l'a signalé le dernier cours, il y aura donc Hukm Al-Mu'attil ou Al-Mu'awwil, c'est-à-dire le jugement et le statut de celui qui a donc interprété, qui a donc nié, également nié, les attributs d'Allah Azzawajal. On avait dit que cela revenait au cours qu'on avait déjà donné sur ce qu'on appelle le takfir et les règles concernant le takfir. Alors, Kulli Hal, le Cheikh va développer, il va nous donner des points et des règles qui sont également essentielles, en revenant bien entendu aux paroles des grands savants de l'islam. Mais avant cela, il va nous dire cette parole, le Cheikh, rahimahullah. إِذَا قَالَ قَائِلٌ قَدْ عَرَفْنَا بُطْلَانَ مَذْهَبِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأَشَاعِرَ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فَكَيْفَ يَكُونُ مَذْهَبٌ بَاطِلًا وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُمْ يُمَثِّلُونَ الْيَوْمَ 95% مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يَكُونُ بَاطِلًا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le Cheikh, il va débuter sa conclusion de son livre rahimahullah par une question ici qui se pose, et même plusieurs questions, qui va concerner le madhhab de ce qu'on appelle Ahli Ta'wil, et comment on l'a défini, qu'est-ce que l'on voulait par ce terme Ta'wil exactement ici dans ce contexte. Et le Cheikh donc il nous dit que si l'on connaît, après donc qu'on a su la fausseté de ce madhhab, qui est le madhhab des gens de l'interprétation en ce qui concerne plus précisément le chapitre des attributs dans la croyance. Et donc la question qui va venir se poser ici, si maintenant on sait que cela est batil, que ce madhab il est faux, et que l'on sait, comme il est ma'loum, an al-ash'ari, donc al-ash'ari, ceux qui ont suivi soi-disant Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et lorsqu'on dit soi-disant, c'est qu'ensuite on va développer pour ce qui est de cette question-là. Mais que à la kulli hal on appelle et qu'on connaît comme al-ash'ari, qui ont suivi Abu al-Hassan al-Ash'ari durant une de ces périodes, car on l'a déjà vu, et le Cheikh va revenir dessus, il va détailler dans son livre que Abu al-Hassan al-Ash'ari a eu trois périodes dans sa vie, dans son parcours dans l'islam, plus précisément dans la croyance et dans sa vie scientifique. Il a eu trois marahil, c'est-à-dire trois périodes de sa vie dans cela. Il va nous dire le Cheikh, en posant donc cette question qui vient d'une personne qui se demande comment peut-on dire aujourd'hui que ce madhab il est donc batil, qu'il est faux, alors que les ash'ari, qui font partie bien entendu des gens d'interprétation, ils représentent plus de 95% des musulmans. Ça c'est ce qui a été dit par certaines personnes, comme le dira le Cheikh, par certaines personnes qui ont affirmé, qui ont dit que les ash'ari représentaient, par rapport à leur croyance, représentaient 95% des musulmans. Ça c'est la première question Et la deuxième question qui va venir également, comment on va dire que ce madhhab, il est bâtil, il est faux, alors que Qudwatuhum, leur modèle donc, dans ce madhhab, c'est celui du Abu al-Hassan al-Ash'ari. Ça, c'est la deuxième question. Ensuite, la troisième question, comment peut-on dire que ce madhhab, il est bâtil, alors que dans ce madhhab, il y a des grands savants connus, et qui ont été connus par rapport à leur sincérité envers Allah, envers le livre d'Allah, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également envers les imams parmi les muslimines, les dirigeants des musulmans, et le commun des musulmans. Donc c'est trois questions ici. C'est en réalité trois questions, c'est comme des choubouates, c'est comme en vérité des ambiguïtés qui vont être posées. C'est-à-dire une personne elle vient, elle dit vous dites maintenant, et on a su, d'après ce que vous avez dit, en ayant affirmé et argumenté suivant le madhab des salafs, vous en avez donc déduit que le madhab des Ash'ari, il est faux, il est bâtil. Alors, si on dit cela, comment se fait-il qu'il y a 95% des musulmans qui sont des Ash'ari, d'après ce que ils prétendent, certaines personnes prétendent? Et la deuxième question, comment se fait-il qu'il est bâtil alors que Abu al-Hassan Ash'ari, c'est leur modèle? Et ensuite, la troisième ambiguïté, qui est également une question ici, comment se fait-il qu'il y a des grands savants qui sont connus dans l'islam et qui ont été connus dans leur sincérité par rapport à Allah Azzawajal et son prophète et qui ont fait partie du madhab al-Ash'ara pour ce qui est de l'interprétation des attributs d'Allah Azzawajal? Donc tout ça, le cheikh va y répondre en détail. Et ça va donc ici, très important à connaître cette réponse pour pouvoir donc répondre à ces ambiguïtés qu'apportent donc souvent ceux qui n'ont soit de science ou alors qui ont des ambiguïtés en eux-mêmes, qui ne peuvent y répondre, ou alors des gens même de l'innovation, pour essayer donc de troubler les gens de la sunna. Il nous dit le shir. Qulna al-jawabu an al-su'al al-awwal annana la nusallim an takuna nisbatu al-ash'ari bihadha al-qadr بنسبتي للسائر فرق المسلمين فإن هذه الدعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. Donc le cheikh d'abord il nous dit qu'on n'admet pas qu'il y ait une nisba, c'est-à-dire donc un pourcentage aussi élevé par rapport à toutes les sectes de l'islam, et que ces gens-là donc représentaient 95% des musulmans. C'est quelque chose qu'on ne peut admettre en réalité, et que c'est tout simplement ce qui est avancé. C'est donc quelque chose qu'il faudrait prouver. Il faudrait donc le prouver en revenant à un recensement qui serait précis. An tariq al-ihsa' al-daqiq, comme dit le shir. Dans un premier temps, c'est la réponse du shir. Ensuite, dans un deuxième temps, il nous dit thumma law sallamna annahum bi hadha al-qadr aw akthar fa innahu la yaqtadi 'ismatahum min al-khata li'anna al-'ismata fi ijma' al-muslimin la fi al-akthar. Hadha muhim, li'anna al-'ismata fi ijma' al-muslimin la fil akthar. Il nous dit le shir, si on aurait accepté ce chiffre là il va nous dire que al akthar, c'est à dire la majorité des musulmans, ne va pas impliquer ismatahum, c'est à dire leur infaillibilité par rapport bien entendu à l'erreur. Il nous dit li anna al isma, donc le fait de ne tomber dans l'erreur et l'infaillibilité fi ijma' al muslimin, Fijma al-Muslimin, c'est-à-dire est représenté dans le consensus des musulmans, non dans la majorité des musulmans. Ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, si on aurait donc accepté ce chiffre, on aurait dit 90% des musulmans sont sur le madhab al-Ash'ari, est-ce que cela est une preuve de la véracité de ce madhab, que ce madhab-là est celui qui est en réalité madhab al-Haqq, de la vérité? Absolument pas. Car il nous dit le shir, al-akthar, c'est-à-dire la majorité des musulmans, ne représente aucunement l'infaillibilité. L'infaillibilité donc de tomber dans une erreur, quelle qu'elle soit. Et anna al-isma, car al-isma, elle est dans ijma' al-muslimin, c'est-à-dire le consensus des musulmans, bien entendu des savants musulmans. On sait ce que c'est le consensus. Lorsque tous les savants, ils sont d'accord sur une question, tous les savants. Ils sont d'accord et unanimement d'accord sur une question. À plus forte raison donc ici dans la croyance. Ça c'est ce que l'on va prendre en compte, al-ijma'. Et on ne va pas prendre en compte al-akthar, c'est-à-dire la majorité des musulmans. Ce n'est pas cela donc qui est pris en compte. Et il nous dit le shir, ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. On sait que le consensus des musulmans qadiman, c'est-à-dire des premiers temps, lors de l'avènement de l'islam, c'est-à-dire donc par rapport au salaf, thabitun, cet ijma, ce consensus, il est attesté, il est bel et bien contraire au credo des gens du ta'wil, des gens donc de l'interprétation. Il est contraire à ce que ont adopté les gens de l'interprétation. Et il nous dit, فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ مِنْ صَدْرِ هَذِي الْأُمَّةِ وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبت له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنها مقتضى للكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. Donc le cheikh nous dit que pour ce qui est de ce إجماع, إجماع المسلمين, c'est donc bel et bien l'إجماع des salaf salih, des pieux prédécesseurs qui ont été donc les premiers dans l'islam et qui sont bien entendu sahaba wattabi'un lahum biihsan, et ceux qui les ont suivis, ce qu'on appelle tabi'un, ceux qui les ont suivis vertueusement, la meilleure façon, et également ceux qui ont suivi tabi'un a'imatul huda, les imams de la guidance. Il nous dit kanu mujmi'in 'ala ithbati ma athbata Allahu li nafsihi aw athbata lahu rasuluhu min al-asma'i wa sifat. Ils étaient donc tous unis et tous unanimes pour ce qui est de cette question là de croyance, et qui repose en réalité sur le fait qu'ils attestaient ce qu'Allah Azzawajal l'a attesté pour lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, a attesté pour lui subhanahu wa ta'ala min al-asma'i wa sifat, parmi donc les noms et les attributs, et également d'anticiper ou alors de comprendre et de prendre à nous sous ces textes suivant donc leur apparence qui est propre à Allah Azza wa Jalla, la iqi billah, min ghairi tahrif, wa la ta'til, wa la takif, wa la tanfil, sans donc altérer, sans donc renier, sans donc interpréter le comment, ou tenter d'expliquer le comment des attributs, wa la tanfil, et sans tomber dans l'anthropomorphisme. Ça, c'était le madhab des salaf, comme on l'a vu durant tout le livre. Donc, ça c'est l'ijma' al-muslimin. Ça, c'est le consensus des musulmans. C'est ce qu'on doit prendre donc en compte. Non, l'akthar. Non, donc, la majorité. Et comme il nous dit le cheikh, nous avons donc représenté ces salafs, le meilleur des qurun, le meilleur donc des siècles, d'après ce que nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, à travers plusieurs hadiths et plusieurs turuq, plusieurs voies donc, qui ont attesté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ijma'un hujjatun mulzima. Donc, leur consensus est une preuve, est un argument donc infaillible, est une preuve qui doit donc nous obliger à la suivre. Et il nous dit, car cela, c'est ce qu'implique le livre et la sunna. Et comme il nous a déjà cité le shir, qu'il avait rappelé cette ijmar dans la quatrième règle, concernant les règles des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça donc, c'est pour la réponse par rapport à la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, il nous dit, wal jawabu an su'al thani. Donc, la deuxième question, qui en réalité également une ambiguïté, qui va être donc la suivante. Comment peut-on dire donc que ce madhab il est batil alors que leur modèle c'est Abu al-Hassan al-Ash'ari, donc un des grands imams de l'islam, Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc la réponse elle va tourner autour de cette personne là il va nous dire le shirk anna Abu al-Hassan al-Ash'ari wa ghayrahu min a'immat al-muslimin la yadda'una li anfusim al-ismata min al-khata bal lam yanalu al-imama fi al-din illa hina arafu qadra anfusim wa nazaluha manzilataha وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحق به أن يكونوا أئمة قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. Donc le cheikh nous dit en introduction à la réponse à cette ambiguïté, il nous dit que Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimallah et d'autres parmi les imams au communauté des imams pour les musulmans, eux-mêmes ils n'ont jamais prétendu qu'ils étaient infaillibles de toute erreur. Bien au contraire, nous dit le cheikh, qu'ils ont en réalité reçu cet imam, donc cette représentation dans l'islam, en étant comme des imams fid-din dans la religion, au moment, uniquement donc au moment où ils ont connu réellement leur niveau, arafu qadran anfusihim, qu'ils ont connu réellement leur niveau, wa nazaluha manzilataha, et qu'ils l'ont donc rangé suivant le rang respectif, c'est-à-dire donc leur niveau, ils ont su où ils se trouvaient réellement. Et qu'ils avaient donc dans leur cœur la vénération du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait donc qu'ils ont mérité qu'ils deviennent réellement des imams dans l'islam. Et il nous a cité des deux versets de shirk, et le premier qui est le suivant, qui fait surat al-sajda, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens, donc comme dans le verset à immatan يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement nos versets. Également le deuxième verset qu'il a cité à propos d'Ibrahim alayhi salam, Ibrahim était un guide, donc ici le terme umma c'est dans le sens de guide. Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Donc on voit ici, comme dans le premier verset qui est cité, que ceux qui ont été désignés comme étant des imams dans leur religion, qu'ils ont été reconnus comme tels par tout le monde, c'est donc qu'ils ont été réellement soumis à l'ordre d'Allah Azzawajal et qu'ils ont enduré. Et donc ici, qu'ils avaient la vénération du livre d'Allah Azzawajal, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils reçoivent donc cette manzila, et qu'ils ont connu réellement qui ils étaient. De même pour le deuxième verset qui est à propos d'Ibrahim, qui est donc été considéré comme un imam umma, c'est-à-dire un imam à lui tout seul, guidant donc umma à lui tout seul. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à Allah Azzawajal, ou exclusivement. Yani hanifa, lam yakum min al-mushrikin, et qu'il reconnaissait le bienfait d'Allah Azzawajal sur lui, donc de cette reconnaissance, de cette patience, et qu'il a su réellement qui il était par rapport à Allah Azzawajal, et qu'il se soumettait donc à lui pleinement. Donc regardez, subhanallah, de par ce qu'il y a eu dans leur cœur, ces hommes-là, que ce soit les prophètes et après eux que ce soit al-a'imma, les imams, ils ont donc reçu cette manzila, ce rang et ce qadr dans l'islam par rapport à cela. طيب. Et c'est vrai que la personne, subhanallah, parce qu'il dit le cheikh, illa hina arafu qadra anfusihim, la personne, parmi les asbab, c'est-à-dire parmi les causes qui vont la faire dévier totalement de l'islam, qui vont la faire dévier du bien, et qui vont la faire rentrer donc dans l'innovation, et dans le chemin de l'innovation, et qui va délaisser donc la sunna, c'est la première porte que le djab il ouvre donc, et la première cause, c'est lorsqu'ils ne reconnaissent pas leur niveau, ces gens-là, lorsqu'ils se croient donc au-dessus de ce qu'ils sont. On peut voir beaucoup d'exemples pour ce qui est de cela, des gens donc qui n'ont pas connu réellement leur niveau, le niveau qu'ils avaient, et qui se sont donc égarés croyant qu'ils étaient bien au-dessus de ce qu'ils étaient en réalité. Et il nous dit donc le shir, thumma inna ha'ula al-muta'akhirin, donc ceux qui sont venus bien après et qui ont dit suivre l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah. Il va nous dire le cheikh qu'en réalité nous n'ont pas suivi comme il se devait. Lam yaqtadu bi al-iqtida alladhi yanbaghi an yakunu alayhi. Et pourquoi cela? Et le cheikh donc il va détailler, comme on l'avait déjà cité auparavant durant le cours, à la kulli hal, on le détaille une nouvelle fois ici à travers donc les paroles du cheikh. Il va nous dire donc que l'imam Abu al-Hassan, il a eu trois marahil, il a eu trois étapes dans sa vie. Sa première étape, c'était celle de l'irtizal. Al-irtizal. Donc, al-irtizal que l'on sait, et qui a été madhab al-mu'tazila. Donc on appelle cela l'irtizal, al-mu'tazila. Il nous dit le cheikh, irtanaqa madhhab al-mu'tazila 40 aaman, يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في رد عليهم. Donc durant 40 ans Abu al-Hasan al-Ash'ari c'était un mu'tazili, et donc il a pris comme credo ce madhhab là, le madhhab al-mu'tazila, durant plus de 40 ans. Et durant donc plus de 40 ans il a argumenté sur les bases de ce madhhab, et il a débattu autrui donc en sa faveur, en la faveur de ce madhhab. Et après 40 ans il en est revenu. Il en est donc revenu de quoi ? De ce madhhab-là, leur égarement. C'est-à-dire qu'il s'est complètement détaché d'eux et a dit de manière explicite devant tout le monde que c'était réellement des égarés al-mu'tazila. Wa balagha fi raddi alayhim. Et il a donc énergiquement et de manière poussée réfuté leur madhhab ensuite. Donc ça c'était al-marhalatul oula pour ce qui est donc de ces 40 ans dans l'irtizab, jusqu'à donc qu'il s'en est détaché. Ensuite il nous dit al-marhalatul thaniya. مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. Donc ensuite sa deuxième étape dans sa vie dans l'islam, ça a été donc une étape que l'on peut désigner entre al-i'tizal et as-sunna, entre ces deux chemins, et qui était représenté, il dit le cheikh, سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. Donc la voix de cet homme, et dont son madhab il a été ensuite connu, et ses atbar connus comme étant ceux faisant partie de la secte de Al-Kullabiyya, qui est donc Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Donc à ce propos, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il nous dit donc في مجموع الفتاوى والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. Le cheikh nous cite donc cette parole du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour nous faire comprendre quelle était à ce moment là dans sa vie la croyance de Abu Hassan al-Ash'ari, et que al-Ash'ari en réalité ils ont été considérés comme des gens étant entre as-salaf al-jahmiya, et également comme nous a dit le cheikh auparavant al-mu'tazila, c'est-à-dire barzakh, on sait que c'est une transition, comme une transition. Lorsqu'on dit bien entendu le barzakh, ou le hayat ou le barzakhia, lorsqu'on dit la vie donc, que l'on traduit par barzakhia, c'est donc cette vie de transition qui est entre la vie du ici-bas et la vie de l'au-delà. Taïeb, lorsqu'on est bien entendu dans notre tombe, avant que l'on soit jugé. Et donc, de même pour ce qui est de ce madhab al-Ash'ari, ils ont pris donc des salafs et ils ont pris des Jahmiya et des Mu'tazila. Donc ils ont pris deux et ils ont pris deux. Ils ont pris des salafs, des paroles qui sont authentiques, et ils ont pris des Jahmiya ou Mu'tazila, ils ont pris des bases rationnelles, ils ont cru qu'elles étaient authentiques alors qu'en réalité elles étaient fausses. C'est ce que nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour nous expliquer un peu plus qui sont les Ash'ari. Et les Ash'ari qui ont donc suivi Abu al-Hasan al-Ash'ari à ce moment-là, au moment donc de cette deuxième étape, au moment donc où il a pris la séance de Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, et qu'il a donc ensuite qu'il a fait de lui-même donc son chemin et a basé sur cela sa croyance. Et ensuite il va nous dire le shir, c'est la troisième étape, al-marhalatu thalitha marhalatu i'tinaq madhhabi ahli sunnati wal hadith muqtadiyan bil imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah كما قرره في كتابي الإبانة عن أصول الديانة هو من آخر كتبي أو آخرها. Donc la dernière étape c'est lorsque il a pris comme credo Abu al-Hasan madhab al-Sunna, le madhab donc des gens de la Sunna et du Hadith, et qu'il a suivi dans cela donc l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, comme lui-même il l'a établi dans son dernier livre, ou l'un de ses derniers livres qui s'appelle Al-Ibanatu an Usul al-Diyana, Al-Ibanatu an Usul al-Diyana, qui est donc le livre d'Abu al-Hasan al-Ash'ari dans sa dernière étape de sa vie donc scientifique, et lorsqu'il va dans ce livre là mettre en évidence quel est réellement son madhab et celui donc sur lequel il a terminé. قَالَ فِي مُقَدِّمَتِهِ. Et donc dans l'introduction de ce livre, que le cheikh ici va nous citer pour nous prouver réellement quelle était la croyance d'Abul Hassan, dernier temps, il nous dit جَاءَنَا يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ça c'est la parole d'Abul Hassan al-Ash'ari. جَاءَنَا يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِكِتَابٍ عَزِيزٍ. Donc il nous est venu, le prophète صلى الله عليه وسلم, avec un livre. Un livre bien entendu, le livre d'Allah Azza wa Jal. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Donc un livre dont le faux ne vient pas d'entre ses mains ou de derrière. Bien entendu ici, qui veut dire par là le mustaqbal al-mawi. Donc le batil qui ne vient pas, que ce soit dans le passé, ou qui ne vient pas, que ce soit donc dans le futur, qui ne se trouve aucunement donc dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Le faux, al-batil. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Une descente donc de la part de celui qui est sage, du juge, Hamid, de celui qui est très loué. جَمَعَ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَأَكْمَلَ بِهِ الْفَرَائِدِ. Où il a rassemblé la science des premiers et il a terminé et il l'a complété par الفرائد, les obligations, والدين et la religion. فَهُوَ صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Donc c'est le droit chemin d'Allah عز وجل. وَحَبْلُهُ الْمَتِينَ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ نَجَى. Et donc c'est la corde, la corde solide, et celui donc qui s'accroche à cette corde là bihi naja, man tamassaka bihi naja, et donc celui qui s'accorde à cela il va être sauvé. Wa man khalafa wa dalla wa ghawa wa fil jahl taradda. Et donc celui qui va aller contraire à ce livre là il va s'égarer et il va donc tomber dans les abîmes de l'ignorance. Wa hatha Allah fi kitabi ala tamassuk bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah azza wa jalla dans ce livre il a poussé les gens, il a encouragé les gens à s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala azza wa jal, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Ila an qala fa amarahum bi ta'ati rasulihi kama amarahum bi ta'ati wa da'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kama amarahum bil 'amal bi kitabihi. Fa nabada kathirun mimman ghalabat shaqwatuhu wastahwadha 'alayhim ash-shaytan wastahwadha 'alayhim ash-shaytan sunan nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam wara'a dhuhurihim. وعدلوا إلى أسلاف لهم وقلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وابطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Donc ici on voit que il va ensuite nous rappeler que celui qui va suivre ou qui va obéir au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est comme il avait obéi à Allah عز وجل. Il nous a cité donc ce verset, prenez ce que le messager vous donne. Pour ce qui est donc ici, c'est bien entendu la suite de cette parole d'Abu al-Hassan, ça concerne donc les gens du ta'wil, les gens donc qui ont faussement interprété les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il va donc nous rappeler parmi leurs sifat que le shaitan donc a eu une emprise totale sur eux et qu'ils ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui était donc de cette croyance-là. Ils ont suivi leurs prédécesseurs parmi les gens de l'innovation, et ils les ont donc suivis aveuglément. Et ils en ont pris donc cela comme une religion. Et ensuite, à la suite donc du livre, il va rappeler les bases des gens de l'innovation. Et il va indiquer que ces bases-là sont complètement fausses. Et il va dire, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ أَنْكَرْتُمْ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَ وَالْجَهْمِيَ وَالْحَرُورِيَ وَالْرَافِضَ وَالْمُرْجِئَ كُمْ فَعَرِّفُونَ قَوْلَكُمْ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ وَدِيَانَتَكُمْ الَّذِي بِهَا تَدِينُونَ. Et donc, il va dire que vous avez renié la parole de Mu'tazila, également Al-Jahmiya, également Al-Haruriya, qui sont bien entendu Al-Khawarij, وَالْرَافِضَ لِرَافِدِتْ وَالْمُرْجِئَ également. فَعَرِّفُونَ قَوْلَكُمْ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ وَدِيَانَتَكُمْ الَّذِي بِهَا تَدِينُونَ. Donc, faites-nous part, si vous avez renié tout cela, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Haruriya, Al-Rafida, Al-Murja, faites-nous part donc de votre parole alors, celle que vous dites, et votre religion, par laquelle donc vous vous rapprochez d'Allah Azza wa Jal. Et donc ici, bien entendu, c'est un rad à ceux qui sont restés sur le madhab du ta'wil, et qui ont renié Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, mais eux qui ont continué à leur façon fi ta'wil. Ce sont ceux en réalité que l'on considère comme Al-Asha'ira aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Abu al-Hassan avant même qu'il passe à cette étape-là. Et ensuite il va dire Abu al-Hassan, قولنا الذي نقول به وديانتنا الذي ندين بها تمسك بكتاب ربنا عز وجل. Donc ici il va bien entendu mettre en apparence à ce moment-là Abu al-Hassan quelle est réellement sa croyance et sur laquelle donc il va mourir. قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. Donc il va dire, notre parole, et c'est bien entendu ici notre parole de croyance et notre religion, c'est en réalité notre religion avec laquelle nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal, c'est le tamassouk bi kitabi rabbina. C'est le fait donc de s'accrocher au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui était rapporté des sahaba, des compagnons, et également des tabirin et des imams du hadith, et que nous nous accrochons à cela. وَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ وَبِمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدْ بِبْنُ مُحَمَّدِ بْنُ حَنْبَلِ نَضَّرَ اللَّهُ وَجَّهُ وَرَفَعَ دَرَجَاتَهُ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَهُ وَلِمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ مُجَانِبٌ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ وَالرَّئِيسُ الْكَامِلُ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا أَظْهَرَ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْحَقِّ وَذَكَرَ ثُبُوتَ الصِّفَاتِ وَمَسَائِلَ فِي الْقَدْرِ وَالشَّفَاعَةِ وَبَعْضِ السَّمْعِيَّاتِ وَقَرَّ ذَلِكَ بِالْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ. Donc ensuite il va dire, après avoir donc parlé des aïmmatul hadith, il va dire وَبِمَا كَانَ يَقُولُ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ, et qui est bien entendu l'imam Ahmed rahimahullah. Donc on s'accroche également à ce que disait Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal par rapport bien entendu à la croyance qu'Allah Azza wa Jal lui embellisse son visage et qu'il l'élève dans les degrés et qu'il le récompense. وَلِمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ مُجَانِبُونَ, c'est-à-dire donc ceux qui vont aller à l'encontre de sa parole dans la croyance, nous serons donc écartés d'eux, nous nous écartons d'eux. Pourquoi? Parce qu'il est l'imam al-fadil ou al-rais al-kamil. Donc ensuite toutes les thana, donc les éloges qu'il a fait de l'imam Ahmed par rapport ici bien entendu à sa croyance, ce qui nous prouve bien donc qu'Abul Hassan à ce moment là il est revenu de ce qu'il croyait auparavant, et ça a été donc sa dernière étape. Pourquoi? Parce que dans son livre et tout ce qui a précédé, il fait un rad à ces gens-là, les gens d'interprétation. Donc on voit bien que c'est une parole qui est plus que claire de Abul Hassan al-Ash'ari, et sur le fait qu'il soit revenu sur la croyance des gens du hadith, et que c'est donc par rapport à cela qu'ils auraient dû, les gens qui yadda'un, c'est-à-dire qui disent suivre Abul Hassan al-Ash'ari, qu'ils auraient dû donc faire comme lui il a fait, revenir sur le haq, sur la vérité. Donc lorsqu'ils disent qu'ils suivent cet imam-là, en réalité ils ont tout faux. Et donc c'est une réponse à la question qui était la suivante: pourquoi donc leur madhhab il est bâti alors que leur coudoi, leur modèle ici, c'est Abul Hassan al-Ash'ari? Donc on voit bien ici que c'est plus que clair qu'ils se sont trompés complètement lorsqu'ils ont avancé cette parole, le fait donc qu'ils suivaient Abul Hassan al-Ash'ari dans leur croyance jusqu'à nos jours. Et il nous dit le shaykh, والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا صفة الصبر المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. Donc ceux qui se sont affiliés à Abul Hassan al-Ash'ari parmi les mutaakhirun, ceux qui sont venus donc ensuite après, ils ont pris de lui lorsqu'il était donc dans la deuxième étape de sa vie, comme on l'a vu, bien entendu l'étape de sa vie concernant sa croyance, et qu'ils se sont donc accrochés à cette voie là et qui est la voie du ta'wil, la voie donc de l'interprétation pour ce qui est de l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal. Sauf que eux, Al-Ash'ari, contrairement à Al-Mu'tazila, ils ont attribué à Allah Azza wa Jal, ou ils ont attesté pour Allah Azza wa Jal sept attributs que l'on retrouve donc dans ce vers qui est le suivant: Hayyun alimun qadirun wal kalamu la. Hayyun, donc le vivant, donc ils attribuent à Allah Azza wa Jal, ou ils attestent la vie, l'attribut de la vie. Alimun, donc ils attribuent à Allah Azza wa Jal, ou ils attestent pour Allah Azza wa Jal la science, donc le deuxième sifat. Qadirun, ils lui attestent al-qudra, ou al-kalamu lahu, ils lui attestent donc al-kalam, la parole, ça en fait quatre. Ensuite iradatun, ils lui attestent donc la volonté, irada, wa kadhak as-sam'u wal-basar, et ensuite pour ce qui est du sixième et du septième, as-sam'u qui est l'ouïe, l'audition, wal-basaru qui est donc la vue. Ça c'est sept attributs que al-Ash'ari ils ont attribué, car ils ont vu, suivant bien entendu leur aql, leur vue rationnelle, que l'on pouvait attester et que l'on devait attester ces sept attributs, et que l'on ne tombait ici pas dans l'anthropomorphisme lorsqu'on attestait ces attributs. C'est donc ici toute la contradiction des gens que l'on appelle donc la Asha'ira, lorsqu'ils ont suivi Abu al-Hasan al-Ash'ari dans la deuxième étape de sa vie concernant son parcours dans la croyance. Bien entendu, dans la façon d'attribuer ces attributs, les sept, il y a la différence entre les gens de la sunna et eux également. Ensuite, le shir, il va nous rappeler donc des paroles pour ce qui est de Rad al-Ash'ari, pour ce qui est de réfuter donc la parole des al-Ash'ari, et également pour ce qui est de al-Mu'awwiloun de façon générale, et qui rentre dedans également. Donc al-Ash'ari, tous ceux qui les ont suivis. Il va rapporter donc des paroles de Cheikh al-Islam, également de Ibn al-Qayyim, également de Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti dans son livre Adwa al-Bayan. Et donc, cela on l'a déjà vu en détail pour ce qui est des cours précédents, on l'a déjà vu en détail dans ce que le Cheikh lui-même il a détaillé. Donc on va passer cela et on va venir à la page 90 où le Cheikh dit « Wal-Ash'ari Abu al-Hasan al-Rahimullah kana fi akhir umrihi ala madhhab al-sunnati wal-hadith » وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحسر قوله فيه كما يلحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة وعلى هذا فتمام التقليد اتباع ما كان عليه أخيرا هو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. Donc il nous dit le cheikh ici que Abu al-Hasan al-Ash'ari, donc à la fin de sa vie, son madhab c'était le madhab de Al-Sunna wal-Hadith, tayyib, et qu'il a donc attesté ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a attesté, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a attesté dans le droit de son Seigneur comme attribut, sans donc tomber dans l'altération, ou alors dans la négation, ou alors dans rentrer dans le comment, ou d'essayer de comprendre le comment des attributs, ou alors l'anthropomorphisme. Et il nous dit donc que le madhhab al-insan, réellement, ce que l'on va attester pour ce qui est d'un homme, c'est ce qu'il va dire en dernier, avant qu'il meure. Donc si il cite de manière explicite sa croyance, et encore plus, ar-ruju' an al-awwal, et si encore il réfute la croyance sur laquelle il était auparavant, et il réfute la croyance de ceux qui sont restés sur cette croyance, et qu'il atteste qu'il est revenu de cette croyance-là, et qu'il informe ensuite la croyance sur laquelle actuellement il est, alors à ce moment-là, on va dire que son madhhab, c'est ce madhhab-là, qu'il a eu au dernier moment de sa vie. Et qu'en réalité, vous dit le shir, que si on sait cela, ceux qui l'ont suivi, ou qui l'ont soi-disant suivi, ils auraient donc dû suivre sur ce quoi il était en dernier, sur sa dernière croyance avant donc qu'il meure. Ce serait été vraiment l'ittiba, ça aurait été vraiment le suivi donc de cette personne. Donc c'est ce qu'on a déjà vu auparavant. Ensuite le shir, il va nous dire wal jawab an su'al thalith min wajhain. Ensuite il va répondre à la troisième question. La troisième question, lorsque cette personne donc va venir avec également une ambiguïté, lorsqu'il va dire comment vous pouvez dire que ce madhab, à l'exemple ici de l'Ash'arira, c'est un madhab qui est batil, donc qui est le madhab de Mu'awwila, de ceux qui ont interprété. Comment peut-on dire donc que ce madhab il est batil alors qu'il y a eu des grands savants dans l'islam qui ont été connus, et qui ont été connus pour être sincères envers Allah, envers son prophète, An-Nasiha, donc la sincérité ici, le conseil, la sincérité envers Allah, son prophète, l'envoyé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'exemple de cela, bien entendu, parmi des grands savants que l'on connaît, comme l'imam An-Nawawi, rahimahullah, on sait, à titre d'exemple, que l'imam al-Nawawi rahimahullah, à chaque fois donc qu'il va expliquer un sifat d'Allah azawajal, dans la plupart des cas il va tomber fi at-ta'wil, il va, c'est-à-dire yu'awwil, il va donc interpréter l'attribut d'Allah azawajal à la madhab al-Ash'ari, donc en suivant le madhab des Ash'ari, tayyib. Ça c'est connu de l'imam al-Nawawi à titre d'exemple, alors que on sait que l'imam al-Nawawi c'est un imam qui est connu de tout le monde. On ne trouve pas une personne qui débute dans la religion sans qu'il connaisse, ou alors qui débute dans l'apprentissage de la science religieuse sans qu'il ne connaisse l'Arba'un al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Il n'y a pas une contrée où on ne va pas trouver le livre, contrée musulmane où on ne va pas trouver le livre Riyad al-Salihin. Tellement ce livre il a été propagé dans le monde, qu'il a été traduit dans pratiquement la plupart des langues, Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Également, des livres qui sont considérés comme des marajia, qui sont considérés comme des livres sur lesquels on va se reposer, sur beaucoup de questions, c'est-à-dire des sources, comme Al-Majmu' Kadhalik Shah Muslim, on appelle Al-Minhaj, le meilleur des shurur qu'il y a eu de Sahih Al-Imam Muslim, c'était le Shah de l'Imam Al-Nawawi, rahimahullah. Donc on voit que tous ces livres, ils ont eu un grand impact, et qu'ils ont eu un grand succès, Qaboul, Andannas. Donc la question ici, elle va se poser. Comment se fait-il donc que vous dites que ce madhab il est bâtil? Ce madhab donc sur lequel était l'imam al-Nawawi, pour ce qui est donc des attributs d'Allah Azzawajal, alors c'était un grand imam. Donc le shirk, il va répondre à cela. Al-jawab an as-su'al al-thalith min wajhain. C'est-à-dire qu'il va répondre suivant deux aspects le shirk. Il va dire al-awwal, an al-haqqa la yuzanu bil-rijal, wa innama yuzanu al-rijal bil-haqq. Hadha huwa al-mizan as-sahih. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق ولكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر يفوت من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوت من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. Donc le shir va nous dire dans un premier temps, donc ça c'est le premier aspect pour ce qui est de cette réponse à cette question là ou cette, plutôt cette ambiguïté, il va dire la réelle balance c'est la vérité ou al-haq, et il nous dit إن الحق لا يزن بالرجال, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer la vérité suivant les hommes. وَإِنَّمَا يُوزَنُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ. Mais qu'en réalité on va mesurer les gens suivant la vérité. Ça c'est la véritable règle. Donc les gens, on va connaître leur statut, on va les juger suivant la vérité. Mais on ne va pas prendre cette vérité suivant les gens. C'est-à-dire que ce que dira cette personne-là, ce sera automatiquement la vérité. Et que donc la mesure ici, elle sera faite par rapport à cet homme-là. Ce sera donc lui la réelle mesure. Cet homme-là. Non. Al-Haq, c'est Al-Haq la véritable mesure. C'est suivant elle que l'on balance. Que l'on pèse plutôt. Nam, que l'on pèse. Et donc c'est la véritable balance. C'est Al-Haq. Ça donc c'est la première règle. Wada wal mizan sahih. Ça c'est la balance qui est vraiment réelle. Il nous dit, et même si, وَإِنْ كَانَ لِمَقَامِ الرِّجَالِ وَمَرَاتِبِهِمْ أَثَرٌ فِي قَبُولِ أَقْوَالِهِمْ كَمَا نَقْبَلُ خَبَرَ الْعَدْلِ وَنَتَوَقَّفْ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ. La position de la personne et le rang de la personne, elle a automatiquement un effet dans l'acceptation de leurs paroles. À titre d'exemple, lorsqu'on accepte l'information que va nous donner une personne qui est sincère, que l'on connaît pour sa sincérité, il y en a l'adl. Et comme on va donc rejeter ou alors s'arrêter, c'est-à-dire ne pas dire que cette parole elle est vraie ou fausse, lorsqu'une personne qui est connue pour son fisq, fasiq, pour sa perversité, va nous informer d'une chose. Donc bien entendu ici, pour ce qui est de cette parole lorsqu'elle nous vient, on va voir par rapport à ce qui va nous informer de cette parole-là. On va voir la personne, si c'est quelqu'un de adl, si c'est quelqu'un de fasiq. Donc ça veut dire à ce moment-là que sa parole-là, elle va être acceptée suivant donc son rang. Et pour ce qui est, de façon plus générale ici, ou pour ce que le shir il veut, on entend donc la parole d'un grand imam. On sait que ce shir là c'est un grand imam parmi les musulmans, que ce soit notre époque ou alors avant. On sait donc qu'il nous a donné un avis de jurisprudence sur une question là, et qu'il a donc vu que cela était haram. Et on sait donc sa position dans l'islam. Est-ce que ça va avoir le même effet que si une personne, un simple talib al-ilm, un simple étudiant, il vient et va nous donner lui son avis par rapport à cette question là. Les gens, ils vont tendre à accepter quelle parole parmi ces deux personnes? Bien entendu l'imam. Le grand imam qui est connu, le mufti, celui qui est connu pour sa science dans le monde entier. Taïeb, on va donc accepter sa parole, bien plus facilement qu'on va accepter la parole d'un autre. Donc on voit que maratib al-nas, c'est-à-dire le niveau des gens, il a automatiquement un athar, c'est-à-dire qu'il a un effet pour ce qui est de son acceptation, l'acceptation donc des paroles qui viennent d'eux, de ces gens-là. Taïeb, mais comme il nous dit le shir, lakin laysa hadha wal mizan fi kulli hal, ce n'est donc pas en réalité la balance dans tous les cas. Et il se peut donc que cet imam, ce grand imam qui comprend les paroles, il se peut donc qu'il tombe dans l'erreur. Il se peut qu'il tombe dans l'erreur, que ce soit sur une question bien précise de religion, et qu'à ce moment-là, on n'acceptera pas sa parole. Et donc il va nous dire le shirk, car la personne, ça reste un être humain. Et donc il va lui échapper certaines choses par rapport à la science et par rapport également à la force de compréhension qu'il va avoir. C'est-à-dire que c'est une personne, même s'il est donc dayinan ou dha khuluq, qu'il a donc une religion qui est forte, qu'il pratique une religion de, pratique sa religion de manière forte, il a un grand comportement dans cette religion, il fait preuve de khuluq, mais qu'il a peu de science et qu'il a une compréhension qui est faible. Il va nous dire donc à ce moment-là qu'automatiquement beaucoup de choses vont lui échapper à cette personne-là, de par donc la faiblesse qu'il a par rapport à la compréhension de beaucoup de points dans la religion, taïb, ou alors le peu de science qu'il a. Également le shérif va nous donner un autre exemple, à l'exemple d'une personne qui va naître dans un endroit où il va connaître uniquement un madhab. Il se peut donc dans une contrée, une personne qui va naître dans cette contrée, le madhab qui s'y trouve, c'est le madhab par exemple des Ash'ariyah, et qu'il ne connaît que tous les livres qui sont présents, que tous les shuur qu'ils enseignent, c'est tous des Ash'ariyah. Donc automatiquement, lui, il va croire que ce madhab-là, c'est le véritable madhab. Taïb. Ou alors, on va dire, à moins de degrés, une personne qui va naître dans un endroit où uniquement est enseigné, où uniquement les gens de science prennent les fatwas suivant le madhab de l'imam Malik, petit exemple. Cette personne-là va donc croire que la vérité uniquement se trouve dans le madhab de l'imam Malik concernant donc la jurisprudence. Et que si on lui fait part un jour d'un avis qui va être divergent par rapport à un avis de l'imam Malik, va lui rejeter automatiquement cette parole-là. Pourquoi ? Parce qu'il est né dans cet environnement, là où uniquement le madhab de l'imam Malik était enseigné, où les gens l'avaient pris donc comme un marja, c'est-à-dire vraiment la base même, sans même revenir en cas de divergence aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, donc on va voir que cette personne-là, dans son cas, à elle, elle a été restreinte à cela. Donc on voit qu'à ce moment-là, ce que l'on prend en considération, c'est le haqq. Et ce n'est pas donc ce qu'on dit les hommes. Taïb, naktafi biyada. Et on continuera, inshallah, pour ce qui est de cette question-là. Les deuxièmes aspects, on continuera la semaine prochaine. Ensuite, le shaykh va parler donc plus précisément de ce qui est de la question du takfir. Pour ceux qui sont tombés donc dans at-ta'wil, ou at-ta'til. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك